tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, 100 ans après la Révolution russe, héritée de 1917. Une série de Marie Chartron, réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a pour commencer ce qui semble soudain insupportable au point de prendre les armes et risquer sa peau. Il y a les espoirs, les tables que l'on renverse, l'euphorie et la violence. Il y a un ordre établi qui s'effondre et qui se croyait éternel. Et il y a bien sûr ce que l'on sait, les errements, les espoirs déçus, la surveillance, le totalitarisme et la mort dans les camps. Et il y a enfin l'exil, les séparations, les destins bouleversés, les familles éparpillées, les voyages, les échanges, la nostalgie, l'avenir radieux et les photos que l'on garde serrées au fond de vieilles boîtes. Et puis au fur et à mesure des exils, ces petites Russies qui naissent ça et là. Alors pour commencer, les personnages. Une duchesse qui veut partir avec ses proches, des passeurs, une armée rouge et une armée blanche, les Russes de Boulogne, des nobles exilés déchus, des opposants, des apatrides et des descendants qui entretiennent le souvenir, la colère et la nostalgie. Ensuite, le décor. Les usines Renault, la glace du golfe de Finlande, Constantinople, Odessa, des changements de nom, des portes fermées pour toujours, une église orthodoxe, un rang que l'on veut tenir, le goulag et la révolution comme un cauchemar. Aujourd'hui, troisième épisode, on est arrivé à Boulogne après un long voyage. Ils sont partis d'Odessa en 1918. C'était mon grand-père avec son fils, mais ils avaient 16 ans. Ma mère avait 16 ans aussi. Parce qu'ils étaient en vacances en Crimée. Et lorsque les Anglais ont envoyé un bateau chercher la grande duchesse, c'est-à-dire la mère de Nicolas II, eh bien, la mère de Nicolas II a dit « Je ne pars pas sans mes amis ». Alors donc, en fait, il y a beaucoup de Russes qui ont émigré de cette façon-là, en passant par Constantinople, Malte, etc. Et donc... Moi, je suis née en France. Je suis française. Ça et là allaient et venaient des soldats, avec ou sans armes. Des patrouilles passaient en civil, avec des brassards blancs et rouges sur les manches, milices. Ceux qui ne voulaient pas se résigner et se soumettre aux rouges partaient dans les forêts, allaient vers le nord, vers Arkhangelsk, ou bien vers le sud, chez Kornilov ou Denikin, au sujet desquels les bruits confus circulaient chez nous. De l'exode à l'exil en France, parcours d'émigration, 100 ans après la Révolution russe. Marie Chartron, Julie Béressy. Mon père a été évacué de Crimée à la défaite de l'armée blanche, vaincue par l'armée rouge, par les bolcheviks. Mon père a quitté Sébastopol en 1920, alors que ma mère, peut-être bourgeoise comme mon père, réussi à sauver son père de prison des services de la Tchéka, tellement rare et unique que Solzhenitsyn en a fait une moitié de chapitre. Et ayant réussi, ma mère a jugé préférable de fuir, comme il disait, la jeune République des Soviets, avec l'aide d'un passeur letton pour de l'argent, avec quelques amis, par la glace du golfe de Finlande. Et c'est à Paris qu'ils se sont connus et mariés en 1924. Sur les murs des maisons et les palissades étaient déjà apposés les izvestia ou bien quelque chose de ce genre, où l'on parlait de l'abdication du souverain, du refus du grand-duc Mikhail Nikolaïevitch, du gouvernement provisoire. L'exil commence lorsqu'on ferme une dernière fois la porte de chez soi, mais l'exode dure parfois des années à travers les frontières, jusqu'à l'installation durable dans un nouveau pays. Dans le sillage de la révolution de 1917, les réfugiés de la guerre civile russe, qui durera jusqu'en 1922, arrivent par vagues aux frontières orientales de l'Europe. Ils partent de Moscou, de Minsk, Petrograd, Kiev, Kharkov ou Odessa, du Don, du Caucase du Nord. Leur route traverse la Pologne, les Balkans, Constantinople, Berlin, quand d'autres prennent le chemin de l'Est en empruntant la voie du Transsibérien pour rejoindre la Chine. Partis pour la majorité d'entre eux au plus fort des combats, entre 1920 et 1921, des réfugiés russes s'installent progressivement en France. Un quartier de Boulogne-Billancourt, en banlieue de Paris, est surnommé Billancoursk, en raison des nombreux réfugiés russes qui travaillent dans les usines Renault. Les ateliers de couture fleurissent, les commerces, les médecins russes s'installent. 90 ans plus tard, Eugénie Romoutov et Xenia Niroth ouvrent l'église orthodoxe russe de Saint-Nicolas le Thaumaturge à Boulogne. Sans l'habitude, personne ne ferme les portes ici. Après, on pèle deux fois. Avancez. Bah, attendez, je suis pour le moment dans la caisse, là. Hey, d'accord. Je suis dans l'argent. Alors, c'est ça, être marguillier. Marguillier, c'est le responsable laïque d'une fabrique. Une fabrique, c'est pas une usine, c'est une abbaye ou une église, dans le temps. Donc, c'est le responsable laïque d'une église. C'est ce que je suis. Je suis censé être. Alors, te voilà. On va aller dans le bureau. D'accord ? Très bien. Allons. Là, il y a autour de l'église, il y a un jardin. Parce qu'on fait des processions régulièrement, surtout au moment de Pâques. C'est un endroit où on fait notre marché de Noël. Les objets russes qu'on vend au profit de l'église. Hop. On peut s'asseoir. Comment avez-vous appris votre histoire familiale ? De temps en temps, on nous racontait quelque chose, comme un souvenir d'enfance. Et là, on finissait par avoir des petits morceaux, comme ça. Mais c'était jamais une plainte, jamais rien. C'était l'honneur qui comptait. Oui. Et puis, après le travail, ils rentraient chez eux et ils buvaient du thé avec des amis, ils composaient des poèmes, ils chantaient, etc. Voilà. Oui. Mais c'était en dehors de leur travail. Le travail, c'était pour manger. Oui. Mais n'importe comment, ils restaient de leur rang et de leur... tels qu'ils sont nés, avec la famille, avec le nom, avec... J'ai vu des photos de mon grand-père sur un bateau, sur une barquette à Constantinople, mais mon grand-père ne racontait strictement rien. Ma mère non plus, mon père non plus. Ils avaient une espèce d'honneur à ne pas parler de cette horrible chose qui leur est arrivée. Et Madame Xenia Niroth, quand votre famille est arrivée, est-ce qu'il y a eu une forme d'entraide ? J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Parce que mon grand-père était un très, très grand chasseur mondial. Il avait été chassé en Inde, en Afrique. J'ai un pied d'éléphant chez moi, vous voyez, vraiment. Et donc, lorsqu'il est arrivé en France, par des amis, il y avait un marquis... qui connaissait un Américain qui voulait absolument créer une chasse en France, dans sa propriété. Et alors donc, il a engagé mon grand-père pour organiser cette chasse. Il a créé un étang pour les canards. Et enfin, vraiment, et puis il y avait des perdrix, des faisans. Et d'ailleurs, on mangeait des faisans et des perdrix par économie. On en avait marre au bout d'un certain temps. C'est pour vous dire qu'on a eu beaucoup de chance, nous. Mais par contre, voilà, Madame Romoutov et beaucoup d'autres Russes, ce n'était pas du tout le cas. Non. D'ailleurs, pour émigrer, mes parents étaient dans un camp de réfugiés en Pologne, où ma sœur est née. Après, ils sont partis en Estonie. Là-bas, il y a une deuxième petite fille qui est née. Et puis, le but, c'était surtout la France et Paris. Donc, ils sont venus en France... mais dans les Pyrénées. Et là-bas, il y a eu une troisième qui est née. C'était vous. Oui. Mais eux, ils n'avaient rien. Ils n'avaient vraiment rien. Ils sont venus avec un contrat en France, parce qu'en ce temps-là, il fallait un contrat. C'était un contrat pour ramasser le raisin. C'était, je crois, près de Foix. Et là, il dormait dans une grange. Et mes deux sœurs étaient malades. Et ma mère, donc, restait près d'eux. Et le propriétaire venait de temps en temps, il disait, mais madame, elles sont toujours malades. Oui. Ah, et quand est-ce qu'elles vont guérir? Je dis, je ne sais pas. Ah, mais vous comprenez, il faut quand même aller travailler dans les vignobles. Ma mère, comment aller travailler? Moi, aller travailler dans les vignobles? Elle n'avait jamais travaillé avant? Non, non, non. Ses parents étaient c'était toute une famille. C'était en Estonie. Et c'était des grands armateurs. Donc, travailler pour les filles d'armateurs, c'était pas possible. Ah bon? Alors, elle a été travailler. Mais c'était Paris, Paris, Paris. Donc, ils sont venus à Paris. Il y a toujours des gens qu'on connaît, des personnes que l'on connaît. Donc, où est-ce qu'on va descendre? Ben, venez chez nous, on met les matelas par terre, on dormira comme on peut. Et c'est comme ça que la vie s'est faite. Chez Xenia et Nikita Krivosheïne. Et ça, c'est mon musée des horreurs. Oui, ils sont bien enfermés. Je ne pensais pas vous le montrer, mais c'est le café qui m'a incité à ouvrir cette armoire. Vous en reconnaissez certains. Dites-moi. Qui est le monsieur barbu? Ah, c'est Dzerzhinsky. Voilà, très bien. Et le petit buste en bronze? Le petit buste en bronze. C'est Mayakovsky. Mayakovsky. Voilà. Vous pouvez faire un tout petit tour d'horizon donc de ce placard de cuisine assez original. Comment dire, c'est un musée ou une collection d'objets anti-nostalgiques. D'ailleurs, je n'éprouve aucune nostalgie. C'est une sorte de musée Grévin, mais des horreurs, où je collectionne deux bouteilles de très très mauvaise vodka, un petit kolkhozien en bronze et en veste ouatée, le grand criminel contre l'humanité, Lénine, son complice Dzerzhinsky. Staline, je ne l'ai que en photo tirée d'un calendrier fait main. Vos parents et vous avez eu un parcours d'émigration assez heurté et beaucoup plus complexe que d'autres, Nikita Krivosheï? Mes parents se sont fixés à Paris. Mon père a eu la chance d'obtenir une licence de mathématiques à la Sorbonne, puis d'être diplômé de l'école supérieure d'électricité, de Supélec. Et par conséquent, il faisait partie d'une couche de l'immigration blanche qui n'était pas si peu nombreuse qu'on peut l'imaginer. Il ne faut pas se représenter l'immigration comme une masse paupérisée. Cela existait. Mais il y a eu grand nombre, il y a beaucoup d'immigrés qui ont réussi en France professionnellement, socialement, qui se sont parfaitement intégrés et assimilés dans divers métiers. Il y avait toute une intelligentsia émigrée qui, si l'on peut dire, vivait bien. Mes parents en faisaient partie. Tous deux ont, chacun à sa façon, ma mère plus, mon père bien moins, sympathisé au mouvement des jeunes russes d'Alexandre Kazembek. C'était l'un des mouvements politiques de l'émigration, qui avait déjà des velléités de reconnaissance de la situation de fait qui s'était créée en Russie. L'état de fait, c'est-à-dire reconnaître l'existence et la pérennité de l'Union soviétique. Elle envisageait des modifications, des changements, des métamorphoses à venir qui rendraient acceptable l'état de fait. C'est-à-dire ce nouveau grand pays. Voilà, exactement, ce nouveau grand pays. Voilà, donc là, vous avez la bibliothèque de des livres de mon grand-père, Boris Zaïtsev, qui est un écrivain du siècle d'argent. C'est le dernier des grands écrivains du siècle d'argent, peut-être on peut dire. Pierre Sologoub. Donc ici, ceux qui sont les livres les plus récents édités en Union soviétique, et puis là-bas, c'est plutôt les livres qui ont été édités dans l'émigration. Alors quand je dis édités en Union soviétique, c'est bien sûr une erreur, édités en Russie, parce que mon grand-père était interdit en Union soviétique. Il n'a pas du tout été publié là-bas. C'est lui sur cette photo ? Voilà, ça c'est lui sur cette photo. C'est, je pense, en Russie, les années près de la Révolution, je pense. Il est habillé à l'ancienne, c'est quoi l'ancienne pour nous ? Je dirais, il a un col cassé, une petite cravate, comme il convient, et puis donc une moustache et une petite barbe. Là, il était dans la pleine force de son écriture. Il faisait partie du milieu intellectuel, comme on dit, hein, pour, entre guillemets. Mais malheureusement, la révolution est arrivée, donc qui a cassé globalement la culture en Russie, et donc qui a chassé mon grand-père de la Russie. Donc il a quitté la Russie en 1922 avec sa femme, ma grand-mère et ma mère, donc qui avait à ce moment-là 10 ans, 1922. Mon grand-père était très malade et il a obtenu un visa pour partir se faire soigner à Berlin. Et alors quand il se quittait, mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, accompagnaient mes grands-parents et ma mère. Ma grand-mère avait dit... On part pour peu de temps, on va se revoir. Ne vous inquiétez pas, tout va se calmer, on va se revoir. Et mon arrière-grand-père a dit, non, quittons-nous définitivement, on ne se reverra pas. Et il a eu malheureusement raison. Et ils se sont fixés à Boulogne, je pense, dans les fins des années 20. Donc à Boulogne, rue Thiers, dans une rue que mon grand-père a qualifiée la rue la plus moche de Boulogne. C'était très difficile, hein. La vie était très difficile. Je ne sais même pas très bien comment ils vivaient, parce qu'un écrivain russe à Paris, ça n'intéresse pas grand monde, je dirais. Hein. Boulogne était un quartier, en tout cas le quartier où ils habitaient, était un quartier assez pauvre. Il y avait beaucoup d'ouvriers de chez Renault qui travaillaient là, et en particulier un certain nombre de Russes qui travaillaient chez Renault. Monsieur, nos usines vous sont ouvertes. Nos usines, qui couvrent 100 hectares... ont une superficie supérieure à celle de la ville de Chartres. Pour faire une automobile, il faut traiter une quantité de matières différentes qui ne sont pas seulement l'acier, le bois et le caoutchouc. Il est vrai que la France a été le premier pays d'accueil de l'immigration russe. On a beaucoup cité le chiffre de 400 000 Russes accueillis en France vers le milieu des années 20. Catherine Gousseff. Historienne. En fait, si on regarde les sources, c'est-à-dire avant tout les sources censitaires, les recensements, à travers les trois recensements de la période de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire 1921, 26 et 31, eh bien, on s'aperçoit que la présence russe ne dépasse pas 100 000 personnes et que d'autre part, il y avait déjà bien identifié 30 000 Russes en France avant la Première Guerre mondiale. Autrement dit, l'émigration russe issue de la Révolution et de la guerre civile est une vague qui représente à peu près 70, on peut dire peut-être 80 000 personnes si on prend en considération ceux qui n'ont pas forcément été enregistrés. Comment cette différence quand même assez significative s'explique-t-elle ? Alors il y a beaucoup de facteurs. Il y a un premier facteur qui est lié à la position de la France à cette époque-là. Il ne faut pas oublier que l'état-major français était très impliqué dans l'aide à Constantinople. À ce moment-là, il y avait effectivement des centaines de milliers de Russes qui étaient encore à Constantinople et qui se sont dispersés par la suite. Beaucoup sont partis dans les Balkans, beaucoup ont été en Roumanie. Seule une part de ces Russes sont venus en France. Mais à ce moment-là, je pense que le gouvernement français a plus ou moins fait l'hypothèse que la majorité des Russes qui étaient présents et pris en charge à Constantinople viendraient en France. D'où cette estimation assez forte. D'autre part, on est dans une période où, en fait, il y a énormément de Russes en Allemagne et où se pose la question à la SDN de savoir comment on va solliciter les autorités allemandes qui, de leur côté, se plaignent beaucoup d'avoir à prendre en charge dans le pays plusieurs centaines de milliers de Russes. Et il y a un état de concurrence très fort entre la France et l'Allemagne. Et la France veut rester leader sur la question des réfugiés, Et donc, je crois que cette estimation n'est pas non plus étrangère à cette volonté, justement, de s'affirmer comme premier pays d'accueil des réfugiés russes en Europe. En ce qui concerne l'international, on est dans une époque de grande innovation, puisque c'est la création du premier haut commissariat aux réfugiés russes qui est décidé dans le courant de l'année 1921 sous l'égide de la Société des Nations qui vise à la nouvelle concorde des nations après la Première Guerre mondiale. Le haut commissariat aux réfugiés est un organisme qui en fait ne bénéficie que de très peu de moyens, mais qui a une mission importante qui est celle au fond, d'organiser des concertations interétatiques pour réfléchir à une solution commune sur le sort de ces réfugiés. Donc c'est un organisme qui joue un rôle très important comme trait d'union à l'échelle européenne, en particulier entre les pays qui sont les plus sollicités par les réfugiés russes. Aux côtés de ce haut commissariat aux réfugiés, il y a néanmoins toute une nébuleuse d'organisations caritatives, on dirait aujourd'hui beaucoup plus d'organisations humanitaires, qui jouent aussi un rôle important dans l'aide aux réfugiés. Et puis, il y a, en ce qui concerne les Russes, une grande spécificité. Les Russes avaient eux-mêmes des moyens. Les organisations russes, les grandes organisations russes qui ont représenté la masse des réfugiés, ont pu bénéficier, au fond, de l'argent de l'État russe qui avait été placé à l'étranger et qu'ils ont pu utiliser. Et ça, c'est quand même quelque chose qui distingue sans doute l'histoire de cette émigration de l'histoire d'autres exils. Les élites ont joué un rôle considérable dans l'organisation de l'assistance à leurs réfugiés. Et puis, ensuite, il faut quand même préciser que les réfugiés russes supportaient assez difficilement que justement les traites de réfugiés. Les Russes se sont toujours définis comme des émigrés russes et au fond se sont pensés en diaspora comme une forme de Russie hors frontière. C'était vraiment l'idée des Russes à l'étranger. D'où je crois aussi l'accent mis sur l'idée de l'émigration. Parce que avec cette évidence pour eux que c'est pas parce qu'ils étaient en dehors de la Russie qu'ils étaient vraiment justement en dehors d'elle. Enfin, ils représentaient, par le fait même d'exister, cette Russie hors frontières. Et puis, il y avait Boulogne-Billancourt, où on savait qu'il y avait beaucoup de monde. Les usines Renault. Donc, pour ne pas perte de temps et d'argent en prenant les autobus et compagnie, les gens habitaient tout près de Renault. Et ici, il y avait des grands terrains qui n'étaient pas bâtis. Et là, à côté, le 130, c'était un grand terrain, à côté, il y avait une villa. C'était un Anglais riche qui avait épousé une Russe. Et cette femme a fait bâtir ce grand immeuble qui est à côté. Donc, la première chose, c'est les Russes qui sont arrivés comme locataires. Votre père a travaillé aux usines Renault ? Non. Son cousin, par contre, oui. Mais il n'a pas pu tenir longtemps. Il a peut-être tenu peut-être un ou deux mois. Et il est parti en courant. Il dit, je ne peux pas rester devant une machine toute la journée et appuyer sur un bouton. Il dit, je suis fou. Il est parti en Afrique du Nord, en Algérie. Mon père, lui, il a fait tous les travaux qu'on peut faire. Quand je suis née, il a ouvert sa carte d'identité d'étranger. Il dit, qu'est-ce que c'est ? C'est manœuvre. Ah, moi, je suis manœuvre. Ah bon ? Ah ben oui, c'est vrai, je ne suis plus chez moi. Bon, il a dit, après tout, manœuvre ou officier, puisque je ne suis plus officier. Bon, il était Kadiatsky, cadet, Sa famille était une grande famille d'armée, enfin, ils faisaient de militaires au service du tsar, donc ils étaient très proches du tsar. Et mon père, quand il a quitté la Russie, il avait à peine 20 ans. Je crois que c'était en 1920. Et puis il y a une chose, c'est que s'il partait pas, il se faisait tuer, oui. Carrément. Mon grand-père a été tué par les bolcheviks. Alors, soit on restait, on se faisait tuer, ou bien alors on partait, et puis voilà. Oui. C'est ce qui s'est passé. Mon grand-père aussi a été fusillé. Ma grand-mère a été déportée dans un goulag, mes tantes sans doute aussi. Donc, il avait 20 ans. Il voulait quand même rester en vie. Et surtout, il n'y avait plus de liberté d'expression, comme il a dit. Ce n'est pas seulement la liberté physique qui compte, c'est aussi la liberté de penser. Il fallait penser comme eux ont dit qu'il fallait penser. Comme dit Xenia, il n'aimait pas parler. Quand un jour on a demandé avec ma sœur, mais raconte-nous. Il a commencé, et puis il a dit non, je ne peux pas. Donc on n'a plus jamais essayé de le forcer. Parce que pour lui qui était jeune, c'était une vie détruite. Alors ma grand-mère, effectivement, n'était pas du tout écrivain, n'était une femme au foyer. Et on a découvert, après sa mort, qu'elle écrivait presque tous les jours ce qui s'était passé dans la journée, sur des carnets. Pour l'histoire de l'émigration, c'est, je crois, un texte important. Alors, c'est le 14 juillet 1944, vendredi. Les avions volaient sans arrêt et à 2 heures de la nuit, il y a eu une alerte et la DCA qui tirait. On n'est pas descendu dans l'abri. Je regardais de ma fenêtre. Alors aujourd'hui, c'est une journée très triste. J'ai appris le matin au magasin que le père Serge Bulgakov est décédé, ainsi que l'écrivain Corsac. À la Bastille, il y avait 3 drapeaux, anglais, américain et soviétique. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Il faut savoir que l'une des craintes de l'émigration russe, c'est que la Russie soviétique, que l'Union soviétique, l'armée rouge arrive jusqu'en France. C'était leur grande crainte. Ça aurait été, bien sûr, terrible pour eux. Alors le soir, on a marché le long de la rue de la Convention. Les arbres sentent, ça nous rappelle Ravenne. J'ai lu la Bible et Akhmatov. Samedi, cette nuit, une alerte. Et dans la journée, 2 alertes. La nuit, il y a eu des échanges de Asie et Tusik с Андреем. Нина читала великолепные стихи, заклинания. Было хорошо. С ночи 10 на 11 забраны все евреи и Павел Николаевич Апостол с женой. 9 февраля арестована мать Мария. Понедельник 8 февраля был у нас Мачульский. Читала Достоевского. Бесы как зарождались. Et c'est là que la guerre survient. La première arrestation de mon père se produit le matin du 22 juin 1941, puisque les Allemands ont ce jour-là, jour du déclenchement de la guerre, procédé à l'arrestation de plusieurs centaines, sinon d'un millier, d'émigrés russes, selon des critères tout à fait aléatoire, mais disons une sorte d'élite de l'immigration russe. Simplement, c'était une arrestation préventive, pour ainsi dire, qui a duré 5 ou 6 mois, mais qui a servi à beaucoup d'entre eux à mieux se connaître et qui a été l'embryon de plusieurs réseaux de résistance. Et j'ai encore... J'entends, comme si j'entendais à la radio le discours de Goebbels, extrêmement bruyant et hystérique. Sous peu, il y a eu un coup à la porte et j'ai vu deux officiers allemands avec des pistolets pointés sur moi. Même quand on a 7 ans, on se souvient d'un tel événement. Et toute l'immigration russe s'est retrouvée devant une sorte de carrefour, d'alternative, de choix. D'une part, cette nouvelle guerre était l'occasion d'en découdre et de prendre sa revanche, en résistant au nazisme et en faisant de son mieux pour accélérer la victoire des Alliés, dont l'URSS. Ça, c'était l'option qu'avait choisi votre père. C'est l'option qu'avait choisi, qu'il pressentait qu'il allait choisir encore 2 ou 3 ans avant la guerre. Beaucoup de Russes, ce conflit était l'occasion rêvée de prolonger la guerre civile et d'aider une puissance européenne à en découdre avec les bolcheviks. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Nikita Krivosheï, votre père entre dans la résistance. Mon père entre dans la résistance et il y a eu un agent provocateur qui s'est infiltré dans ce réseau. Mon père a subi 11 jours de torture rue des Saussaires, au siège de la Gestapo, puis a été déporté d'abord à Buchenwald, puis à Dachau, d'où il a été libéré par les Américains dans un état quasi-cadavérique, sans exagérer. Vous êtes née à Paris dans les années 30, Ksenia Nirout. Vous étiez française ? Ben moi, je suis née apatride et j'ai été déclarée française à l'âge de 14 ans. Et depuis, je suis française. Mais il faut que je démontre par le papier que je suis française. Alors, comme c'est à la mairie, ça complique un peu les choses. Voilà, c'est tout. Et vos parents, quel statut avaient-ils ? C'était le passeport Nansen qui était vraiment créé pour eux. Oui. Pour ceux qui n'avaient plus de pays, parce qu'ils n'appartenaient plus à aucun pays, puisque le pays n'existait plus, il était devenu soviétique. Donc pour pouvoir voyager, il fallait un passeport, le passeport Nansen. Et ma mère, d'ailleurs, a gardé son passeport Nansen jusqu'à la fin de sa vie. Or, elle est morte en 1985, à 82 ans. Elle a eu la nationalité française ? Non, pas du tout. Jamais. Elle est restée Nansen. Oui. Mon grand-père aussi. Mais ils sont restés Nansen, tous. Et vous ? Moi, je suis née en France. Jusqu'à 23 ans, j'étais réfugiée russe. Parce que mes parents, quand je suis née en France, ils ne savaient pas les lois. Dès qu'un enfant naît sur le sol français, on peut le déclarer français. Et quand j'ai voulu voyager... « Ah, mais il faut un passeport. »« Ah, alors j'ai eu le passeport Nansen. » Et j'allais en Angleterre pour un mois pour apprendre l'anglais. Et sur le bateau, il y a le commissaire du bateau là, qui vérifiait tous les papiers, mais il dit « Madame, mademoiselle, comment ça se fait que vous avez un passeport Nansen ?»« Né en France. »« Ah, vous pouvez devenir française par déclaration. » Donc j'ai fait mes papiers qu'il fallait, j'ai eu mon passeport français, depuis je suis française. Mais j'ai quelque part mon passeport Nansen et j'aimerais bien le retrouver, mais alors rien à faire, il a disparu. Ce passeport Nansen. La grande spécificité de cette période, c'est justement la création du statut d'apatride. C'est-à-dire du statut d'une personne qui ne bénéficie pas de la protection de son État. Évidemment, cette anomalie, si je puis dire, elle est concomitante à l'émergence des États-nations modernes. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, finalement, la carte de l'Europe, elle est dominée par les empires, et au sein des empires, on a des sujets, on n'a pas des citoyens. À partir du moment ou sur les ruines des anciens empires austro-hongrois, ottomans, russes, se créent des nouveaux États-nations. La grande figure qui se dégage est celle de la citoyenneté. Des citoyens, on rentre dans une relation contractuelle entre l'individu et l'État, l'État qui protège et en même temps qui impose un certain nombre de devoirs. Et en ce qui concerne les Russes, évidemment, on est dans une grande anomalie qui est d'abord une anomalie liée à une décision politique du régime soviétique qui a proclamé la déchéance de nationalité, la déchéance de citoyenneté, hein, des Russes hors du pays, des Russes qui ne reconnaissent pas l'Union soviétique. Et l'Union soviétique a été le premier État à pratiquer cette politique de déchéance de nationalité qui sera reprise par la suite, notamment par le gouvernement de Mussolini au début des années 20. Donc, ces Russes sont sans protection étatique. Et tout l'effort du Haut-Commissariat aux réfugiés dans les années 20 sera justement de tenter de créer un statut pour ces gens qui ne bénéficient d'aucune protection étatique. La première convention des réfugiés, la convention de 1933, est une convention sur la patridie qui reconnaît certaines communautés réfugiées comme apatrides. Sont reconnus comme apatrides, par exemple, les Russes, mais aussi les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, enfin un certain nombre de collectivités. Et c'est là que survient un nouveau choix qui se pose dans l'immigration russe, c'est-à-dire l'oukase, le décret du Présidium du Soviet Suprême, daté du 14 juin 1946, et qui est une sorte d'amnistie à toute l'immigration russe, pour avoir participé à la guerre civile, pour avoir mené des activités antisoviétiques. Amnistie totale, possibilité de retour à la patrie, et nationalité soviétique, passeport soviétique, offert à tous ceux qui le souhaiteraient. Comment les appelait-on, ces émigrés rapatriés? Ils ont un les Vozvracensi, les retournants. Là, la division était très brutale. Des gens comme Bounine, comme Shmilov, écrivain très connu, comme Lifar, ont catégoriquement rejeté ceci, sentant qu'il y avait plus qu'une anguille sous roche. Et ne voulant pas identifier le régime stalinien victorieux avec la Russie, qui était leur Russie. Mon père et ma mère prennent la nationalité soviétique, commencent à militer dans une association qui s'appelait au début l'Union des Patriotes Soviétiques pour ensuite devenir l'Union des Citoyens Soviétiques. Ce qui fait qu'au début, au tout début, des événements qui ont marqué le commencement de la guerre froide, en France en tout cas, les activistes, si je puis dire, de l'Union des citoyens soviétiques, au nombre de 24, expulsés de France. Ils n'étaient pas français, aucun d'entre eux n'était français. Donc c'était une expulsion d'étrangers comme celle auquel nous assistons hier, aujourd'hui et demain. L'expulsion se produit en novembre 1947. Même si votre père avait participé à la résistance activement. Tout à fait. Et avait participé à la résistance, et à son retour des camps allemands, avait été décoré de la médaille de la résistance. C'était un étranger, donc expulsable. Mes parents étaient passeport Nansen, apatrides, réfugiés politiques. Je l'étais donc aussi. Ma mère et moi, nous suivons mon père en 1948, dans la ville d'Ulyanovsk. Et ce retour, nous y allons en bateau, de Marseille à Odessa, ma mère et moi. Nous avons été situés pour 3 semaines dans un camp dit de transit, à 15 kilomètres d'Odessa, mais avec des miradors et des chiens. C'était un peu brutal après le 8e arrondissement, à la sortie du 8e arrondissement. De Odessa à Ulyanovsk, nous avons été véhiculés dans un wagon. C'était des wagons de marchandises. 10 jours, dont 5 sans nourriture. Et une fois à Ulyanovsk, je me suis mis à aller à l'école. Mon père était ingénieur dans l'une des usines du coin. Et très rapidement a commencé la grande vague de répression qui, toute proportion gardée, était une réplique de la grande terreur de 37-38, mais en modèle réduit. Et beaucoup, beaucoup de ces repatriés sont arrêtés par le MGB, le KGB. Et le 20 septembre 1949, ce fut le tour de mon père, immédiatement transporté d'Ulyanovsk à la Lubyanka, où il est resté 1 an et demi. Lubyanka, qui était donc le siège de la police politique. Et qu'il est toujours. Et qu'il est toujours, dans le centre de Moscou. Tout à fait. Et mon père était essentiellement accusé, d'abord, d'avoir été dans la résistance, ayant aidé les services de renseignement anglais. Il était donc parfaitement naturel qu'il soit venu en URSS et qu'il ait pris le passeport soviétique sur mission de ses services anglais pour espionner en URSS. Et le deuxième chef d'accusation était d'avoir survécu à Dachau et Buchenwald, ce qui ne pouvait se faire qu'en collaborant avec la Gestapo. Pour être condamné à 10 ans de camp de rééducation par le travail, il s'est retrouvé dans le camp décrit dans le premier cercle, le camp de spécialistes, dans la banlieue de Moscou. Il y a beaucoup de Russes qui étaient assis sur leurs valises en attendant de repartir en Russie. Ça, c'est une chose qui n'existait pas chez les Choumoutov, ni dans ma famille. Mon grand-père a tout de suite compris que c'était fini. Mais il y a énormément, du côté de mon mari, ils attendaient pour repartir en Russie, espérant que le communisme serait fini, etc. Ils ne pensaient pas que ça allait durer aussi longtemps. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Quant à moi, après l'arrestation de mon père à Ulyanovsk, je suis devenu tourneur à l'usine où mon père travaillait. J'ai réussi en 1952 à devenir étudiant de l'Institut des langues étrangères à Moscou. Rapidement traducteur, puis interprète. Et en 1956, c'est d'abord le 20e congrès, puis en octobre, la révolution, la contre-révolution hongroise, les tanks à Budapest, les tanks soviétiques à Budapest. Et c'est là que je ne trouve rien de plus intelligent que d'élaborer un assez court texte. L'impact de la révolution d'octobre 1956 sur l'empire totalitaire, dont la Hongrie n'était qu'une marche. Texte que, par des étudiants français, je fais passer à Paris et qui paraît dans le Grand Quotidien du soir, non signé. Je suis arrêté le 25 août 57. Et ça, c'est vraiment un miracle du ciel. Je n'ai eu que 3 ans dans les camps de Mordovie. Qu'est-ce que vous y avez fait ? J'y ai fait du sillage de trains et du déchargement de wagons. Non seulement je me suis lié, j'ai fait des amis avec lesquels je suis resté en contact jusqu'à présent, mais c'est le KGB qui s'est planté en réunissant dans ces camps les quelques milliers de jeunes qu'il avait alpagués un peu partout dans le pays à la suite des événements de Budapest et du soi-disant Festival de la jeunesse pour la démocratie et pour la paix qui s'était tenu à Moscou en 1957. Et le contingent des jeunes arrêtés en 57-58 également a servi de début, de départ à ceux qui, par la suite, peu à peu, lentement, est devenu le mouvement des droits de l'homme et le samizdat. Bon. En 1970, Andropov prend conscience qu'il lui est moins ennuyeux d'avoir ses dissidents hors du pays qu'à l'intérieur, et que du dehors, ils sont discrédités et il y a toujours le rideau de fer. Et je fais partie de l'un des tout premiers cas de ce que j'appelle semi-expulsion. Chaque année, je déposais une demande de vacances en France. Alors en 70, je suis convoqué au service des visas, on me dit « Vous avez obtenu des refus, vous continuerez à en recevoir, mais nous vous proposons de quitter le pays sans retour. » J'ai réfléchi, je suis parti. Comment êtes-vous venu en France en 1970? Par bateau, je vais essayer de boucler la boucle. D'Odessa à Marseille. Je vous dirais, je suis très attaché, pas à la Russie, mais aux Russes. Mais lorsque je me promenais, chaque jour, j'avais une promenade d'une demi-heure à la Lubyanka, dans cette prison de la Lubyanka qui se faisait sur le toit, je chantonnais, je sifflais la Marseillaise. Monsieur le secrétaire général, votre visite en compagnie de Madame Brejnev et de plusieurs hautes personnalités du gouvernement soviétique, est pour nous un sujet de grande satisfaction. Alors ça, c'est un fac-similé d'un journal russe qui paraît aux États-Unis, donc le 3 novembre 1971. Brejnev devait venir en France en visite officielle, en octobre 1971. Juste avant cette visite, on est déjeuné chez mes parents, donc j'étais avec mon épouse, on était jeunes mariés. Après le déjeuner, mon grand-père est parti se coucher, faire sa sieste, hein, donc il avait 91 ans à ce moment-là. Et à ce moment-là, coup de sonnette, quelqu'un demande, je viens voir Monsieur Zaïtsev, je suis de la police. Et donc Monsieur Zaïtsev doit venir, à l'occasion de la visite de Monsieur Brejnev, doit venir signer au commissariat de police matin et soir. Alors mon père lui dit, écoutez, j'ai la meilleure volonté, il ne pourra pas le faire parce que le commissariat de police n'est pas tout prêt et il a 91 ans, il est content quand il fait le tour du pâté de maison, il ne va pas plus loin. Voilà, et bref, la semaine où Brejnev était à Paris, matin et soir, deux policiers venaient le faire signer. Voilà. Et donc le journal, l'extrait de journal que j'ai ici, elle raconte cette anecdote, je dirais. Hein, voilà. Et il finit de façon assez sympathique, qui est donc le fait que Boris Zaïtsev a été assigné à résidence était certainement ce qu'il fallait faire, parce que lors du voyage, du séjour de Brejnev à Paris, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun désordre. Donc là, c'était une décision de police qui peut le faire pour des réfugiés politiques ou pour des gens qui n'ont pas la nationalité française, qui n'étaient pas utilisés à ce moment-là. Donc c'est une pratique courante, j'imagine, quand d'autres chefs d'État viennent. Ça doit se faire aussi pour d'autres nationalités. Ce qui est incroyable, c'est qu'il l'ait fait pour un vieillard de 91 ans. Nous vous souhaitons un heureux séjour. Soyez les bienvenus en France. Если обернуться немного назад, то нетрудно заметить, что наша встреча... Voilà, c'est moi. Ça, c'est mon grand-père, dans le jardin de Krivoshine. Ksenia Krivoshine. Ça, c'est tante de Nikita. Voilà, ça, c'est la première photo de 1979 à Luxembourg. Nikita m'avait invitée. Vous êtes assise sur le rebord du bassin. Exact. Avec des tresses. C'est notre fils, voilà. Ksenia Krivoshine, oui. Dans quelles circonstances avez-vous quitté l'URSS? Écoutez, rapidement, nous sommes rencontrés avec Nikita à Genève, où j'ai passé chez ma arrière-grand-mère. Dans les années 70? 78. Et elle était à Genève, votre Elle était à Genève, parce que c'était l'immigration en 1915, la famille arménienne. Elles sont parties après le génocide. Et bon, par hasard, nous sommes rencontrés avec Nikita. Bon, c'était un coup de foudre, comme raconte Nikita dans l'ascenseur. Bon, mais j'étais obligée de repartir à l'Union soviétique, où j'étais un fils de premier mariage, et nous avons commencé à écrire pratiquement tous les jours. Mais j'ai l'impression que KGB, ils sont tellement intéressés par notre conversation qu'ils sont vraiment plongés dedans. Et c'était vraiment une histoire bizarre parce que un jour j'ai été invitée par le KGB pour parler à propos de Nikita, notre rencontre, comment c'est passé. Et bien sûr, ils sont intéressés de notre amour. Et bon, ils ont pensé que peut-être je peux être utile, mais je lui dis, écoutez, je ne peux pas être utile, je reste ici. On proposait de vous permettre d'aller en France pour pouvoir faire du renseignement. Voilà, c'était classique. Mais j'ai refusé complètement et au bout d'un an, un an et demi, grâce à nos amis, notre relation diplomatique, j'ai obtenu une petite permission d'aller chez Nikita, mais sans mon fils. Mon fils était gardé comme une petite attache. Otage. Mais nous avons décidé avec Nikita que je reste, sans retour. Et on est obtenu... qu'il est venu. Mon fils est... Comment s'appelle-t-il ? Yvan. Il a 40 ans. Et voilà, je suis vraiment heureuse. Je suis là. Nous sommes ensemble. On aime. Voilà. On s'intéresse quand même. On connaît des Russes, tous ceux qui viennent à l'église ici. Ce sont des gens qui arrivent de Russie, mais c'est plutôt une immigration, je dirais, économique, qu'autre chose. Oui. Nous sommes tous des Français, on est libres, on a le droit de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine, on a le droit de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comment il s'appelle, Hollande. Vous comprenez, il y a la liberté ici, tandis qu'en Russie, en ce moment, il n'y a pas de liberté. Et de moins en moins. Et ils ne peuvent pas parler comme on parle de tout de suite. Si ça ne plaît pas, au revoir. Alors voilà, pour certains, ils trouvent l'âme slave de l'autre côté, ils sont contents. Qu'est-ce que c'est, l'âme slave ? Ah ben, c'est ce que mon grand-père disait qu'il ne fallait pas avoir. C'est l'âme slave, c'est l'humeur qui va en haut, et puis après c'est en bas, on pleure, et puis après on rigole, et puis après on pleure, vous voyez ? Ça c'est l'âme slave. Il y a le cœur qui bat. Est-ce que ça existe, ça ? C'est pas une chimère, non ? Non, c'est pas une chimère, ça existe. Non, mais ils nous ont aussi laissé... ils nous ont appris à vivre dans l'honnêteté. Oui. Par exemple, les Nirotes ne doivent pas rougir. Nirotes, c'est d'origine pas rouge. Donc, c'est pas politique. Tout simplement, il faut pas rougir, il faut être honnête. Il ne faut pas mentir, il faut être toujours tout droit. Et ça c'est une chose qui nous a été inculquée dans la famille et qu'on respecte profondément. Quand tu te regardes le soir dans le miroir, tu ne dois pas baisser les yeux, tu ne dois pas rougir. Tu dois te dire, j'ai bien fait, mais je peux faire encore mieux. De l'exode à l'exil en France, parcours d'émigration 100 ans après la Révolution russe. Avec Ksenia Nirot, Eugénie Khomutov, Ksenia et Nikita Krivosheïne, Pierre Sologoub et Catherine Gousseff. Merci à Irina Mokova, Vladimir Delantivy et Vaezekian. Prise de son, Clémence Bonfils et Cédric Châtelus. Mixage, Valérie Lavalard. Documentation INA, Stéphanie Place. Un documentaire de Marie Chartron et Julie Bérécy. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous voulez tout quitter, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la traversée ou nous réécouter dans le train, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernière étape, voyage au pays des soviets. Et toute cette semaine, à 9h, la fabrique de l'histoire est aussi à l'heure révolutionnaire. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.